الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 21 dans l'explication du livre حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة. Et on est arrivé, comme on avait expliqué au dernier cours, on a commencé le principe numéro 7 dans les 14 principes du point numéro 6. Donc la question qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est la question du verdict de la charia au sujet de demander l'aide des kuffars pour se défendre contre un ennemi, que ce soit un ennemi qui est kafir, hein, comme des communistes ou des socialistes ou le Parti Baas ou autres, hein, ou d'autres koufars en général, ou de se protéger contre un ennemi qui est musulman mais qui est transgresseur, hein, musulman mais qui transgresse contre nous, et de prendre d'être sous leur protection ou des choses comme ça, d'être sous la protection des koufars ou des choses semblables. Donc, comme je disais, c'est le cours 21, et puis on va commencer tout de suite. Donc, on a commencé au dernier cours d'expliquer les divergences qui existaient à ce sujet-là. Maintenant, on va voir les preuves de chacun des deux côtés. Il y a ceux qui disent que c'est permis, que c'est interdit, et ceux qui disent que c'est permis. Et ils ont chacun des arguments. Donc, les preuves de ceux qui disent que c'est interdit, on va les mentionner en premier. Puis ensuite, on va mentionner les preuves de ceux qui disent que c'est interdit, que c'est permis. Donc, le cheikh, il dit, « وَأَدِلَّةُ الْفَارِقَيْنِ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّارِ مَا يَلِي أَدِلَّةُ الْمَانِعِينَ إِسْتَدَلَّ الْمَالِكِيَّةُ بِحَدِيثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق وهذا حديث غريب تفرد به الإمام مالك أي نعم donc le hadith en question on va le traduire le premier hadith que ceux qui disent que c'est interdit mentionnent c'est le hadith qui est yani, utilisé comme preuve par les Al-Malikiyya c'est le hadith de Muslim rapporté par Muslim et les rapporteurs des Sunan les savants qui ont rapporté les Sunan selon Aïcha radiallahu anha elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers Badr et lorsqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Harratul Wabara il a rencontré un homme et on disait à propos de son il y a un homme qui est venu le rejoindre c'est ça et on mentionnait ou on disait à propos de cet homme là qu'il était fort, qu'il était courageux alors les sahaba ont été heureux de le voir alors lorsque l'homme est arrivé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit je suis venu pour pouvoir te suivre pour te demander la permission de te suivre et de subir avec toi ce que tu vas subir au combat donc il veut participer avec les musulmans dans la bataille le cheikh il dit le hadith continue en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit crois-tu en Allah et en son messager et il a dit non il a dit non je crois pas alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors dans ce cas retourne d'où tu viens car je ne vais pas chercher l'aide d'un mushrik alors Aïcha radiallahu anha elle explique elle dit puis nous avons continué dans notre chemin jusqu'à ce qu'on arrive à un arbre et l'homme qui avait demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le mushrik qui a demandé pour pouvoir aller au combat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la première fois l'a suivi encore et il lui a demandé la même question que la première fois alors il lui a dit il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même est-ce que je peux te suivre et ainsi de suite et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu comme il lui a répondu la première fois retourne d'où tu viens car je ne peux pas ou parce que je ne vais pas prendre l'aide d'un mushrik puis il est retourné et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé vers un endroit où il y avait un bâtiment ou quelque chose et lorsqu'il est arrivé à cet endroit là l'homme est venu encore une fois pour demander la permission pour pouvoir être dans le combat. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois posé la question au sujet, c'est-à-dire, est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Et l'homme a dit finalement oui. Alors à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas-là, tu peux partir avec nous. Et donc, ça c'est le hadith en question. Et il dit, le cheikh, après avoir mentionné le hadith, que c'est un hadith qui est rare. On le trouve pas rapporté par, on le trouve pas rapporté de différentes, par différentes voies. Donc c'est un hadith qui est rapporté par une voie qui est unique. Et il est rapporté donc de cette façon-là par l'imam Malik seulement et dans le hadith il y a deux problèmes qui sont mentionnés on va pas mentionner les détails de ça puisque c'est des détails qui ont rapport avec les sciences du hadith et même si on le traduisait ça voudrait pas dire grand-chose pour pour nous, mais ceux qui veulent avoir les détails, bon, peuvent retourner au livre pour lire les détails de ce qui est mentionné par rapport à cette narration-là. Il cite aussi une autre narration, parce qu'il y a deux témoins parmi les hadiths qui témoignent de ce hadith, qui sont des narrations qui sont faibles, mais qui témoignent de la même signification que ce qui est mentionné dans ce hadith-là. Et c'est comme le hadith de Khubayb ibn Yusaf. خرجه من الكتب السبعة أحمد وحده وصححه الحاكم من طريق المستسلم ابن سعيد ابن خبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده خبيب ابن يوسف ويقال ابن إيساف الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إن نستحي أن يشهد قومنا مشهدا إلا نشهده معهم. قال أو أسلمتما؟ قلنا لا. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه. ووهم الحاكم حين ذكر أن الصحابي هو عبد الرحمن ابن الأسود يرويه عنه ابنه خبيب ابن عبد الرحمن ابن الأسود إلى آخره. donc le cheikh il mentionne donc ce hadith là. Il dit que c'est un hadith rapporté par Khubayb ou Khabib ibn Yusaf qui est rapporté par Ahmed seulement d'entre les sept livres, d'entre les sept sunan ou les sept livres, et il a été authentifié par Al-Hakim par la voix de Al-Mustaslim ibn Sa'id selon Khubayb ibn Abd al-Rahman, selon son père, selon son grand-père, selon Khabib ibn Yusaf. Et on dit également Isaf, ibn Isaf, al-Ansari, radiallahu anhu. Il dit, je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il voulait partir en guerre, ou aller faire un combat. Et il dit, j'étais, moi ainsi qu'un autre homme de mon peuple, non musulman, on n'était pas encore musulman, on ne s'était pas converti encore. Alors il dit, on a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que on ressent de la honte de ne pas participer à une bataille alors que notre peuple, hein, ou les gens de notre tribu partent pour cette bataille. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, est-ce que vous avez accepté l'islam? Est-ce que vous avez tous les deux accepté l'islam, oui ou non? Et ils ont répondu non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant nous ne prenons pas l'aide des mouchriquines contre des mouchriquines. Alors à ce moment-là, les deux se sont convertis et ils ont participé à la bataille avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il mentionne ensuite le cheikh les problèmes qui ont un rapport avec cet isnad. Et ensuite il dit al-isnad da'if, yann al-mustaslim ibn Sa'id saduqun lakin rubbama khalaf, et il mentionne d'autres éléments aussi. Bon, comme j'ai dit, on va pas mentionner les détails de ça. Et une autre narration qui est mentionnée comme témoin de ce hadith là aussi, c'est le hadith de أبي حميد الساعدي رضي الله عنه كي رابطي بها الطبراني دان الأوسط البيهقي كي أتنتفي بها الحاكم كي رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وصححه الحاكم من طريق الفضل ابن موسى السيناني عن محمد بن عمر عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة. قال من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع وهم رهط عبد الله ابن سلام. قال وأسلموا؟ قالوا لا. قال بل هم على دينهم. قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين. وهذا إسناد ضعيف غريب لم يخرجه أصحاب الكتب المشهورة وفيه علتان. Donc, le cheikh il mentionne cette narration du hadith. Comme j'avais dit, elle est authentifiée par Al-Hakim. Elle est authentifiée par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, par la voix de Al-Fadl ibn Musa al-Sinani, selon Muhammad ibn Amr, selon Saïd ibn al-Munzir, selon Abi Hamid al-Sa'idi. Radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti jusqu'à ce qu'il dépasse un endroit qui s'appelle Saniyatul Wada', puis il a rencontré des gens qui voulaient partir en bataille eux aussi avec les musulmans. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qui sont ces gens là et ils ont dit c'est Bani Qaynuqa', c'est-à-dire la tribu de Qaynuqa', qui était une tribu juive, et c'était la famille de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, le sahabi, celui qui s'est converti à l'islam. Alors il a demandé, est-ce le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'ils se sont convertis, et ils ont dit non. Ils sont encore sur leur religion. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce cas, dis-leur qu'ils retournent d'où ils viennent, car on ne prend pas l'aide des mushrikin. Et dans cette chaîne de transmission, qui est gharib, qui est rare elle aussi, elle n'a pas été rapportée par les kutub, les livres qui sont célèbres. Et dans ce hadith, dans cette chaîne de transmission, il y a deux erreurs aussi, ou deux problèmes. Bon, comme j'ai dit, on ne va pas mentionner les détails sur ça. L'important, c'est juste donc de mentionner ces preuves-là et de savoir que c'est ça, ces preuves de ceux qui disent que c'est interdit. C'est ça les hadiths qu'ils mentionnent comme preuves. Et comme on avait déjà fait dans un cours de Al-Usul al-Salasa, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, on a expliqué que une des significations que les ulama ont donné à ces hadiths-là, c'est pas que c'est interdit pour un mushrik de prendre, c'est-à-dire que c'est pas que c'est qu'on n'a pas le droit de prendre l'aide d'un mushrik contre des kuffars et des mushrikines, mais plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait plutôt d'inciter, il sentait que ces gens-là désiraient se convertir. Alors, pour les inciter à le faire et pour les encourager à le faire, il leur posait ce genre de questions. Est-ce que vous avez cru en Allah et son messager? Est-ce que vous avez accepté l'islam? Puisqu'ils voulaient partir combattre avec les musulmans. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'ils recherchent, il y a quelque chose qu'ils veulent. Parce que quelqu'un ne va pas combattre avec les croyants contre des mushrikines, alors qu'il est mushrik. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait que ces gens-là étaient proches de l'islam, alors il leur posait la question, est-ce que tu crois en Allah et son messager, pour les inciter à prendre la décision de se convertir, et finalement, ils se convertissaient à l'islam lorsqu'ils étaient sincères. Donc c'est pour dire que ce n'était pas un hadith qui montre en fait l'interdiction, mais plutôt seulement pour montrer que il voulait les inciter à se convertir à l'islam. Donc ça c'est une explication qui a été mentionnée comme ça par les ulama, comme le cheikh Mohamed Aman al-Jami, il le mentionne dans son charh de kitab Al-Usul al-Thalatha. Et on avait parlé de ça dans le cours lorsqu'on a fait la traduction. Maintenant, en ce qui concerne les preuves de ceux qui disent que c'est permis avec les conditions, voici maintenant les détails à ce sujet. Cheikh il dit amma adillatu al-qa'ilina bil jawaz lil hujjati bi shurutiha وهي كثيرة تدل تدور على قاعدة أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في العداوة ولا في موقف الشرع منهم ففيهم المحارب وفيهم المعاهد والمستأمن معصوم الدم وفيهم الخائن الغادر وفيهم المأمون صاحب النصح قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc on va traduire cette partie, le début. En ce qui concerne les preuves de ceux qui disent que c'est permis de prendre l'aide des mouchriquins et des kuffars, et bien entendu avec les conditions, il se base sur la règle que les koufars ne sont pas tous au même niveau ou au même degré dans leur animosité contre l'islam. Donc il n'y a pas une seule position face aux koufars unique. Plutôt il y a différentes positions, différentes attitudes face aux koufars. Parmi les koufars, il y en a qui sont en guerre. Donc c'est ce qu'on appelle al-muharibun ou al-harbiyun, et il y a aussi ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans et qui sont en sécurité, protégés par une entente avec les musulmans et qui sont protégés dans leur sein, dans leur personne. Donc ça c'est les deux grandes catégories, ceux qui sont en guerre et ceux qui sont sous la protection d'une entente ou d'un pacte. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont malhonnêtes ou qui trahissent leur entente, et il y a ceux qui sont au contraire qui sont honnêtes et fiables et sincères. Donc il y a différentes attitudes face aux kuffars, et même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il agissait avec les mouchriquins et les de façon différente selon justement leur comportement et leur attitude face à l'islam et face aux musulmans. Et donc les ulama qui ont dit que c'est permis, ils se basent sur ces détails là, sur ces explications là. Le cheikh il dit ensuite il rapporte les paroles des ulama à ce sujet là. Il dit قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الآية. Il dit فدخل في حكم الآية أصناف وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل خزاعة وبني الحارث ابن كعب ابن عبد منات ابن كنانة ومزينة وكان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ظهوره على قريش ومثل النساء والصبيان من المشركين وقد جاءت قتيلة بالتصغير يقال لها قتلة مكبرا بنت عبد العزي ابن بني عامر ابن لؤي من قريش وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة زائرة ابنتها وقتيل يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية، وهي المدة التي نزلت فيها هذه الصورة، فنزلت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصل أمها؟ قال نعم صلي أمي أمك، وقد قيل إن هذه الآية نزلت في شأنها. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que donc At-Tahir ibn Ashur il mentionne dans son livre At-Tahrir wa At-Tanwir volume 13 à la page 152 dans le tafsir du verset 8 dans sourate Al-Mumtahana que Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures à cause de la religion et qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc vous pouvez être bon et juste envers eux puisque Allah aime les justes. Et il explique ce verset-là en disant que il dit que فَدَخَلَ فِي حُكْمِ الْآيَ أَصْنَافِ. Donc dans le verset, dans ce verset-là, il y a des catégories qui rentrent parmi les kuffars. Parmi eux, il y a par exemple ceux qui étaient alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les mushrikins, comme par exemple Khuza'a, la tribu de Khuza'a, et la tribu de Al-Harith ibn Ka'b ibn Abdumanat ibn Kinana ou ibn Kinama wa Mazina. Et tous ceux-là, ils étaient tous avec le messager d'Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'étaient pas contre lui, et ils souhaitaient voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit victorieux sur Quraysh. De même que les femmes, les enfants des mushrikins, c'est la même chose. Les femmes et les enfants des mushrikins, c'est la même chose. Et il mentionne l'exemple de Qutayla, on dit aussi Qatla ou bien Qutayla, qui est la fille de Abdul Uzay ibn min Bani Amir ibn Lu'ay. Elle faisait partie elle aussi de Quraysh. C'était la mère de Asma, la fille de Abu Bakr al-Siddiq. Elle est venue voir sa fille à Médine, et Qutayla à ce moment-là était encore une mushrika. C'était la période dans laquelle il y avait l'entente, la trêve, l'entente de paix entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les mushrikins de Quraysh, après la trêve de Al-Hudaybiyah, ou bien l'entente de Al-Hudaybiyah. Alors c'est la période dans laquelle le verset en question, le verset dans la sourate Al-Mumtahana, était descendu, c'est-à-dire il a été révélé dans cette période-là. Alors elle a demandé la question à Asma. Asma a demandé la question, pardon, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle peut garder les liens avec sa mère et yani donner à sa mère des choses qu'elle a besoin. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu en disant, oui, garde les liens de parenté avec ta mère. Et donc, certains parmi les ulama de tafsir ont mentionné que le hadith était, où le verset était révélé à propos de cet événement-là ou de cette situation-là. قال ابن حجر في فتح الباري المجلد السابع الصفحة 383. Il dit كان الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئ عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة بني قريظة بني النضر وقينقاع. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش، وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطل كخزاعة، وبالعكس بني بكر كبني بكر. ومنهم من كان معه ظاهرا مع نعم ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne dans Fath al-Bari, le volume 7 à la page 383, que les kuffars, après la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, les kuffars étaient de trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont promis de ne pas combattre le messager sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas non plus pencher vers son ennemi, c'est-à-dire de ne pas pencher vers l'ennemi des musulmans. Et ceux-là sont de trois catégories ou trois groupes, c'est-à-dire les juifs, les trois tribus juives qui étaient à l'époque. Bani Qurayza, Bani Nadir et Bani Qaynuqa. Et il y a une autre catégorie qui ont fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les mushrikins, et c'est les gens de Quraysh. Et ils ont exprimé et montré leur animosité et leur haine contre les musulmans. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont restés en attente. Ils n'ont pas attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils n'ont pas montré leur animosité ou leur opposition au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui attendaient qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Et ces exemples-là, c'est comme les bédouins, les différents groupes de bédouins, comme par exemple Khuza'a et Bani Bakr. Et le cheikh, il dit que parmi ces groupes-là, il y en a qui souhaitaient voir la victoire du messager, sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il y en a d'autres comme, qui souhaitaient le contraire. Comme Khuza'a, eux, souhaitaient la victoire du messager, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que Bani Bakr, eux, souhaitaient au contraire la victoire du mushrikin. Et parmi eux, il y en avait qui montraient qu'ils étaient avec le messager sallallahu alayhi wa sallam en apparence, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils étaient avec les mushrikins, et ceux-là sont les hypocrites, les munafiqoun. Donc ça, c'est dans Fath al-Bari, le volume 7, page 333, 383, c'est l'explication à ce sujet. Ensuite, le cheikh, il cite les paroles de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Ibn Taymiyyah, il mentionne dans As-Sarim al-Masloul, le volume 2 à la page 314, il dit que, il mentionne l'exemple de la mort de Abu Jahl lorsqu'il a été tué. Donc il dit, ذكر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وذكر قصة قتل أبي جهل والقصة مشهورة في فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسجوده شكرا وقوله هذا فرعون هذه الأمة وهذا مع نهيه عن قتل أبي البختري ابن هشام مع كونه كافرا غير ذي عهد لكفه عنه وإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور ومع قوله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسرى لأطلقتهم له يكافئ المطعم بإجارته له في بمكة والمطعم كافر غير معاهد فعلم أن مؤذي المؤذي فعلم أن مؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين إهلاكه والانتقام منه بخلاف الكاف عنه وإن اشترك في الكفر كما كان يكافئ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافرا وإن كان كافرا انتهى كلامه. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne dans As-Sar ibn al-Maslul l'histoire de lorsque Abu Jahl a été tué. Et Abu Jahl, c'était un grand ennemi de l'Islam, quelqu'un qui insultait tout le temps l'Islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui que c'était le pharaon de cette Ummah. Donc, le cheikh, il mentionne que, Ibn Taymiyyah, il mentionne, donc, dans As-Sar ibn al-Maslul, il dit que c'est une histoire qui est très célèbre, hein, c'est-à-dire, lorsque Abu Jahl a été tué, c'est une histoire qui est très célèbre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui, de sa mort, hein, et du fait qu'il a été tué. Et il a même fait une prosternation de remerciement à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, et il a dit qu'il était le pharaon de cette Ummah, c'est-à-dire que Abu Jahl était le pharaon de cette Ummah. Donc ça c'était rapporté par l'imam Ahmad et At-Tabarani selon Ibn Mas'ud, mais la narration en question elle est coupée, hein, elle n'est pas elle ne retourne pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon ce qui est mentionné par Al-Haythami dans Majma' al-Zawa'id. Donc, il y a divergence à propos de cette parole-là. Il dit « وَهَذَا مَعَ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ أَبِي الْمُخْتَرِ » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tuer Abu al-Mukhtari ibn Hisham, alors que c'était un kafir qui n'avait pas d'entente de paix. Mais, étant donné qu'il a été bon envers les musulmans et qu'il a fait des il avait fait un effort pour opposer le pacte de boycott qui avait été fait contre les musulmans à l'époque, eh bien et à cause de ça il avait interdit qu'on lui fasse quoi que ce soit. Et il mentionne aussi l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que si Al-Mut'am ibn Adi était vivant et qu'il avait parlé en faveur des prisonniers qui avaient été pris durant la bataille, je crois que c'est la bataille de Badr, il dit « je les aurais libérés ». Et il mentionne ça en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait remettre la faveur à Al-Mut'am, il lui aurait remis la faveur que Al-Mut'am ibn Adi lui avait fait. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on lui faisait du bien, eh bien, il remettait toujours le bien qu'on lui avait fait. Il lui remettait toujours la faveur, hein, même à un kafir. Donc, Al-Mut'im était kafir, lui aussi. Il n'avait pas d'entente de paix avec les musulmans, mais étant donné qu'il avait fait du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lui remettre ce bien-là. Et il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit qu'on sait ici donc que toute personne qui nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans ce cas-là, c'était une obligation à chaque individu de se venger de lui. Contrairement à celui qui s'abstient de faire du tort au messager sallallahu alayhi wa sallam, même si les deux sont réunis dans le kufr, ils ont en commun que le fait d'être kuffar, hein, c'est-à-dire ceux qui s'abstiennent de faire du tort au messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui lui font du tort, les deux sont des kuffars, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait du bien à celui qui lui faisait du bien, même si c'était un kafir. Donc ça c'est la fin de cette parole. Et c'est pour montrer qu'on ne traite pas tous les mouchikines et tous les koufars de la même façon et qu'on ne les place pas tous au même degré. Ceux qui traitent bien les musulmans et qui sont honnêtes et justes avec les musulmans, eh bien on doit être bon et honnête avec eux aussi. Tandis que ceux qui sont haineux et qui détestent l'islam et les musulmans et qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça c'est une autre situation. Hein? Et le cheikh il dit « Wa qala rahimahullah » في مجموع الفتاوى سي انكور ابن تيميه دي كما تجوز وكما تجوز معاملتهم على الارض كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وكما استاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر لما خرجا من مكه مهاجرين ابن اريقط رجلا من بني الذيل هاديا وخريطا والخريط الماهر بالهداية وأتمناه على أنفسهما ودوابهما ووعداه غار ثور صبح ثالثة صبح ثالثة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه وهذا كثير فإن المشركين من وأهل الكتاب فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعملونه من أمر الدنيا فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك انتهى كلامه. Donc, Cheikh l'Islam, il mentionne qu'il est permis, d'avoir des interactions avec eux, hein, des transactions avec eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu des interactions avec les juifs de Khaybar. Ils avaient des transactions et des interactions avec eux. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que Abu Bakr radiallahu anhu, sont sortis pour aller à Mecca pour faire la hijra et ils ont pris ils ont engagé un guide pour les ramener. Et ce guide c'était Ibn Urayqit, Abdullah ibn Urayqit, un homme qui faisait partie de la tribu de Ad-Dayl. Et ils lui ont fait confiance pour leur vie et pour leur monture. Hein? Il les a ramenés là où ils voulaient aller. Donc ils lui ont fait confiance avec leur vie. Hein? Ils ont fait confiance à ce mouchrik avec leur vie. Et le cheikh il dit ensuite, وَكَانَتْ خُزَاعَ De même que خُزَاعَ, eh bien, ils étaient... Il y a des gens qui avaient la confiance du messager sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans d'entre eux, de même que les koufas d'entre eux, et ils acceptaient leurs conseils, hein? Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, comme on va le mentionner les détails de ça plus tard à propos de Ibn Urayqit et à propos de Khuza'a. Ça s'en vient. Donc, c'est là, dans la deuxième preuve. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, et de même que Abu Talib, il défendait le professeur sallam, et il repoussait, le mal qu'on voulait lui faire, malgré qu'il était un mushrik. Ça aussi, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et il y a beaucoup d'exemples de ça, on en a parlé déjà. Et le cheikh il dit, et de même que plusieurs d'entre les gens du livre, parmi eux, il y a ceux qui sont honnêtes et fiables et à qui on peut faire confiance, tandis que d'autres parmi eux sont peut-être moins honnêtes, certains d'entre eux ne sont pas honnêtes, mais il y en a parmi eux quand même qui sont fiables et honnêtes. Et le cheikh, il mentionne, Ibn Taymiyyah, il mentionne le verset en question, il dit, parmi les gens du livre, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. C'est le verset 75 dans Surat Al Imran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et parmi les gens du livre, il y en a à qui si tu lui confies un qintar, et un qintar c'est une pièce d'or ou 1000 pièces d'or plutôt. Donc, si tu lui confies une somme d'argent, il te le rend. Donc, il y en a des gens qui sont honnêtes parmi eux. Si tu lui confies de l'argent, il te rend l'argent en question. Mais, il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu lui contrains sans relâche. Donc, c'est pour dire que, il y en a parmi eux, tu vas leur donner une grosse somme d'argent, comme 1000 pièces d'or, ils vont te le rendre, mais parmi eux, il y en a que si tu lui donnais juste un dinar, c'est-à-dire une pièce d'or, eh bien, il ne va pas te le rendre, sauf si tu lui demandes constamment de te le remettre. Donc, c'est pour dire en fait que ils ne sont pas tous au même degré parmi les koufars. Il y en a qui sont plus honnêtes que d'autres. Et donc, il dit, c'est pour cette raison qu'il est permis de faire confiance, d'avoir confiance à ces gens-là par rapport à l'argent. Et il est permis également que le musulman ait une bonne attitude envers le kafir, si ce kafir est fiable dans ce qu'il dit. Et il y a des paroles des imams comme Ahmad et d'autres à ce sujet-là. Si on accepte, par exemple, leurs paroles de ce qu'ils savent au sujet des choses de la dunya, et qu'on a confiance en eux dans ces choses-là, alors c'est permis s'il n'y a pas dans ça un méfait qui est plus grand et qui fait pencher la balance vers le mal, comme par exemple le fait de donner une autorité à un kafir sur les musulmans et de d'élever le kafir sur les musulmans ou des choses de ce genre. Donc ça ce serait un mal plus grand. Ça, c'est des exemples. Et maintenant, il mentionne la mention des preuves. Donc tout ça, c'était pour expliquer tout ce qu'on a lu maintenant là, c'était pour expliquer qu'il y a différents degrés parmi les koufars, que tous les koufars ne sont pas tous de la même catégorie. Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont en paix, il y en a qui sont en guerre. C'est pas tout le monde qui doit être traité et considéré de la même façon. Ensuite, le cheikh, il dit, il y a la première preuve. Il dit que inna qabilata Khuza'a دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça, c'est la première preuve, et il y en a 12 preuves qui montrent que c'est permis avec les conditions. Donc il y a 12 preuves. Là, on est à la page 152 et ça termine à la page 206. Donc il y a beaucoup de détails qu'on va expliquer. À chaque preuve qu'on va mentionner, il y a des explications avec les paroles des ulama pour clarifier et expliquer un peu plus la question en détail. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de terminer la première preuve, pour expliquer la première preuve avec ses explications. Puis, au prochain cours, on commencera la deuxième preuve avec les explications aussi. Donc, le cheikh, il commence, il dit, « الدليل الأول أن قبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم » لما عاهد كفار قريش وفيهم مشركون وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم قريش عام الفتح Donc, le cheikh, il dit que la première preuve, c'est le fait que la tribu, Qabilat Khuza'a, tribu de Khuza'a, elle est rentrée dans l'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont pris une entente, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'entente avec les koufas de Quraysh. Donc Khuza'a, eux, se sont mis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre Quraysh dans cette entente. Et il y a parmi cette tribu des mouchrikoun et des musulmans. Donc ils ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre Quraysh le jour de la conquête de la Mecque. Donc le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Khuza'a et c'est eux qui ont combattu. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur alliance et leur aide et leur support. Il dit وقال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا وغيرهم من علمائنا في ذكر قصة الحديبية كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم وخرجه البيهقي في السنن بإسناده إلى محمد بن إسحاق وهو في مسند الإمام أحمد وشرح معاني الآثار للطحاوي من قول الزهري وغيره ورواه الطبري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق ابن بريدة ابن سفيان ابن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن علقمة ابن قيس النخعي عن علي بن أبي طالب مثله. Donc le cheikh il rapporte la première explication qui est mentionnée. C'est rapporté selon Ibn Ishaq dans Sirat Ibn Hisham et c'est ça. Et aussi dans Sirat Ibn Ishaq. Donc il mentionne qu'il a rapporté selon Az-Zuhri, selon Urwat Ibn Zubair, selon Al-Miswar Ibn Makhrama et Marwan Ibn Al-Hakam que tous les deux ont mentionné. Et d'autres également parmi nos ulama ont mentionné l'histoire de Al-Hudaybiyah. Il dit que c'était l'entente que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris le jour de Al-Hudaybiyah entre lui et Quraysh. Et il dit que celui qui désirait rentrer dans le pacte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le pacte, il pouvait rentrer. Et celui qui voulait rentrer dans le côté de Quraysh, dans son pacte, et dans leur entente, ils pouvaient rentrer dans le côté de Quraysh. Alors Khuza'a s'est rallié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khuza'a, ils ont dit, nous on entre dans le pacte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans son contrat. Et Banu Bakr, eux, ont dit, nous on rentre dans le contrat de Quraysh et dans leur pacte à eux. Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan, avec une isnad, selon jusqu'à Muhammad ibn Ishaq. Et également, elle se retrouve dans la musnad de l'imam Ahmad, et dans Sharh Ma'ani al-Athar de l'imam al-Tahawi, selon la parole de Az-Zuhri et d'autres. Et aussi, on le retrouve rapporté par Al-Tabari dans son livre Al-Tarikh al-Baghdadi, Tarikh al-Tabari. Et c'est rapporté selon la voix de Muhammad ibn Ishaq, selon Buraydat ibn Sufyan ibn Firwa al-Aslami, selon Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, selon Al-Qama ibn Qais al-Nakha'i, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et c'est la même parole qui a été mentionnée. Ensuite il dit wa fi sahih ibn Hibban an Mujahid an ibn Umar radiallahu anhu قال كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان قال وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان فصام حتى بلغ قديدا ثم أفطر قال ليصوم الناس في السفر ويفطروا فمن صام أجزأ عنه صومه ومن أفطر وجب عليه القضاء ففتح الله مكة فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة فقال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر. Donc le cheikh il mentionne ensuite que Ibn Hibban il a rapporté selon Mujahid, selon Ibn Omar radiallahu anhu, que Khuza'a étaient les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Banu Bakr, le groupe de Bani Kinana, ils étaient alliés de Abu Sufyan. Et il y avait donc des négociations le jour de Al-Hudaybiyah entre eux. Et plus tard donc, Banu Bakr ont attaqué Khuza'a. Ils ont fait une attaque contre Khuza'a. Ils ont fait quelque chose à la tribu de Khuza'a pendant la période du pacte. Alors, ils ont envoyé un messager au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'informer que yani, ils avaient été attaqués par Banu Bakr, puis ils demandaient de l'aide. Ils demandaient son aide. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à leur aide dans le mois de Ramadan. Et donc il a jeûné jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit près de Mecca qui s'appelle Qudayd. Et il a brisé son jeûne à ce moment-là, à cet endroit-là. Et il a dit aux gens que les gens qui veulent jeûner, jeûnent en voyage. Et ils peuvent, s'ils veulent aussi, briser leur jeûne. Celui qui jeûne, alors son jeûne sera compté, hein, ce sera quelque chose qui est compté. Et celui qui brise son jeûne, eh bien, il devra le reprendre plus tard. Et ensuite, c'est mentionné qu'il est rentré à la Mecque, hein, et victorieux. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Ils ont conquis la Mecque, et lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis son dos sur la Kaaba, il a tourné son dos sur la Kaaba, et il a dit aux musulmans, retenez vos armes, excepté Khuza'a contre Bakr. Et ça c'est rapporté par Ibn Hibban dans Kitab al-Jinayat, hein. Et l'imam al-Shafi'i, il mentionne dans son livre Al-Umm, « Fi ahkami naqd al-ahd, inna naqda rajulun minhum, faqatala, kana lil-imami qitalu jama'atihim, kama kana yuqatiluhum qabla al-hudna, qad a'ana ala khuza'a, وهم في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عام الفتح بغدر النفر الثلاثة وترك الباقون معونة خزاعة. Donc, l'imam Shafi'i mentionne dans Al-Umm, le volume 4, à la page 186, dans les règles qui ont rapport avec le bris de l'entente, il dit que si un homme d'entre eux brise l'entente et combat, hein, alors dans ce cas-là, l'imam, il a le droit de combattre ce groupe-là, avec lequel il combattait avant l'entente, avant la trêve. Et il dit que il y a trois personnes de Quraysh qui avaient aidé à attaquer Khuza'a. Hein, et Khuza'a faisait partie de ceux qui étaient dans le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a trois parmi les gens de Quraysh qui ont été témoins et qui ont participé à la bataille contre Khuza'a. Ceux qui ont attaqué Khuza'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué et est parti contre Quraysh le jour de la conquête de la Mecque à cause du bris de l'entente et de la trahison de la part de ces trois individus de Quraysh et le fait que les autres n'ont pas aidé Khuza'a. Donc ça c'est la fin de cette citation. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول donc شيخ الإسلام il mentionne dans son livre الصارم المسلول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا وهادنهم عام الحديبية 10 سنين ودخلت خزاعة في عقده وكان أكثرهم مسلمين وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم فدخلت بنو بكر في عهد قريش فصار هؤلاء كلهم معاهدين وهذا مما تواتر به النقل ولم يختلف فيه أهل العلم انتهى كلامه الشيخ المنسيون que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'entente de paix avec Quraysh et il avait donc une trêve avec eux le jour de Al-Hudaybiyah et cette trêve devait durer 10 ans. Et Khuza'a a mentionné dans son contrat, donc Khuza'a était rentré dans le contrat du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans. Et il dit que la plupart d'entre eux étaient eux aussi musulmans. C'est ça. Et ils avaient la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans d'entre eux, de même que les kuffars d'entre eux. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait confiance. Et Banu Bakr, eux, sont rentrés avec Quraysh. Et tous ceux-là sont devenus mu'ahadin. Sont tous devenus parmi les gens qui ont une entente de paix avec les musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui a été rapporté hein, de façon mutawatir. C'est-à-dire qu'il y a, pas, il y a tellement un grand nombre de personnes qui ont mentionné ça que c'est quelque chose qui est irréfutable et qui est authentique. Et personne parmi les hommes de science n'ont divergé à ce sujet-là. Fin de la citation. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Fawa'id Sulh al-Hudaybiyah dans Zad al-Ma'ad, le volume 3 à la page 125. Ibn al-Qayyim il dit à propos des bienfaits de l'entente de al-Hudaybiyah, il dit wa kana hadyuhu wa sunnatuhu idha salaha qawman wa 'ahadahum fa ndafa ilayhim 'aduwwun lahu siwahum فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزا أهل مكة فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين تواثبت بنو بكر ابن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانت قريش في الباطن بالسلاح فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزو بني بكر ابن وائل لتعديهم على حلفائه انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que parmi les bienfaits de Al-Hudaybiyah, il explique dans son livre, le volume 3, page 125, dans Zad al-Ma'ad, que parmi les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna, c'est que lorsqu'il prenait une entente avec des gens, et qu'il les prenait, qu'il faisait une trêve avec eux, une entente de paix avec eux, et que des gens s'alliaient à lui parmi ses ennemis, et que il s'associait avec lui dans son entente et que d'autres s'alliaient à l'entente de ses ennemis avec qui il avait fait l'entente de paix, eh bien celui d'entre ceux avec qui il avait une entente de paix parmi les koufars, si un d'entre ceux qui étaient alliés à ses ennemis attaquait ceux qui étaient alliés avec lui, qui ne faisaient pas partie des musulmans, eh bien, c'était comme s'il l'avait combattu lui. Donc, c'est-à-dire que Banu Bakr, lorsqu'ils ont attaqué Bani Khuza'a, eh bien, c'était comme s'il avait attaqué les musulmans, parce que Bani Khuza'a était allié avec Bani Khuza'a. Et Banu Bakr était allié avec Quraysh. Donc, si Bani Bakr attaque Bani Khuza'a, c'est comme si Quraysh attaquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont tous alliés. Donc ça c'était la cause qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en guerre contre les gens de Mecca, parce qu'il y avait une entente entre eux qu'il ne devait pas y avoir de guerre pendant 10 ans. Et lorsque Banu Bakr étant donné qu'ils étaient dans l'entente avec Quraysh, comme on a expliqué, et que Khuza'a était dans l'entente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Banu Bakr a attaqué Khuza'a, ils ont fait des plans pendant la nuit, et puis ils ont attaqué, et que Quraysh a aidé en cachette, indirectement en donnant des armes et des choses de ce genre, alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a considéré que Quraysh avait brisé son entente. Et à ce moment-là, ils se sont permis d'attaquer Banu Bakr. Ils ont attaqué Banu Bakr à cause du fait qu'ils ont transgressé et attaqué ses alliés. Et ça, c'est la fin donc de la citation en question. Et il dit ensuite « وَبَوَّبَ الْبُخَارِ بَابْ إِثْمُ الْغَادِرْ لِلْبِرِّ » للبر والفاجر فأسند عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر وذكر سبب الفتح وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم في فتح الباري فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان فصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام أكثرهم لذلك كاره ولعله أشار بقوله في الترجمة بالبر إلى المسلمين وبالفاجر إلى خزاعة لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد والله أعلم انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne que l'imam al-Bukhari il a mis comme titre d'un chapitre dans son livre, dans son sahih, le titre « Le péché de celui qui trahit le pieux ou le pervers ». Le péché de celui qui trahit son engagement ou son entente envers le pieux ou envers le pervers. Et il a mentionné comme hadith, hein, il a mentionné yani un hadith rapporté selon Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la conquête de la Mecque. Il a dit ce pays, Allah l'a rendu sacré le jour où il a créé les cieux et la terre. Alors il est sacré parce que Allah l'a rendu sacré jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'a pas été rendu permis, ou n'a pas permis à personne de combattre à cet endroit-là avant moi. Il n'a pas été permis à personne de combattre à cet endroit-là avant moi. Et il ne m'a été permis que de combattre durant une période d'une journée, hein, une période de la journée. Et c'est c'est haram par le et maintenant il reste c'est-à-dire c'est sacré, c'est un endroit sacré par le fait que Allah l'a rendu sacré jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Jizya wa al-Muwada'a. Et le Cheikh il dit wa qala al-Hafiz Ibn Hajar il mentionne après avoir mentionné les causes de la conquête de la Mecque. Et il explique que c'est à cause de la trahison de Quraysh, hein, parce qu'ils ont attaqué Khuza'a, qui étaient les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est dans Fath al-Bari, le volume 6, à la page 328. Il dit que فَكَانَ عَقِبَةُ نَقْدِ Quraysh. Donc la conclusion ou le résultat de Quraysh, le fait qu'ils ont brisé leur entente à cause de ce qu'ils ont fait, donc les musulmans les ont envahis, les ont combattus, et ils ont repris la Mecque. Hein, et les gens de Quraysh ont été obligés de demander la sécurité. Hein, ils ont été obligés de demander qu'on leur donne la sécurité. Hein, ils se sont rendus. Et donc, après avoir été forts et puissants, ils sont devenus faibles et humiliés. Et ils sont rentrés tous dans l'islam. Mais la plupart sont rentrés alors qu'ils ne le désiraient pas, ils ne le voulaient pas. Mais hein, ils se sont sentis comme obligés de se convertir. Puis, l'imam Ibn Hajar il dit, c'est probablement ce que l'imam al-Bukhari a voulu dire dans le titre qu'il a donné à ce chapitre, lorsqu'il mentionne que le péché, lorsqu'il dit que le péché de celui qui a trahi son entente envers le pieux, et il dit que al-bar c'est probablement les musulmans dont il parle ici, et al-fajr c'est-à-dire Khuza'a, puisque la plupart d'entre eux ne s'étaient pas encore convertis à ce moment-là. Wallahu a'lam. Donc ça c'est la fin de la citation. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Allah va même défendre cette religion, hein, même par l'homme pervers. Donc c'est-à-dire que même le kafir, parfois, il peut aider la cause de l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la victoire aux musulmans par l'aide d'un kafir. Inna Allah la yansuru hadha ad-din. بالرجل الفاجر. Ça c'est un autre exemple par rapport à ça. Et il dit وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى وما قالات Il dit عن استعانة الدولة السعودية بقوات الدولة بقوات دولية مختلطة من مسلمين وكافرين لصد طاغية العراق البعثي. وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقعة من الشر والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق فهو إجراء مسدد موفق وجائز شرعا وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان تأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته عملا بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان عنهم واقع ومتوقع وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة. أي نعم. Donc, le Cheikh Ibn Baz, il a mentionné justement des points qui ont rapport avec ce sujet-là. Il dit, dans son livre, Majmou' Fatawa wa Maqalat, le volume 6 à la page 172, il dit que, au sujet du fait de demander l'aide des mushrikines et des kuffars, il dit au sujet de prendre l'aide le fait que l'Arabie Saoudite a pris l'aide des forces internationales qui sont mélangées avec des pays des musulmans et des non-musulmans des musulmans et des kuffars pour stopper la transgression du tyran de l'Irak du tyran Ba'athi du parti Ba'ath de l'Irak parti socialiste communiste. Donc il dit en ce qui concerne ce que le gouvernement saoudien a été forcé, contraint disons a été obligé de faire en prenant les causes nécessaires pour se protéger du mal en cherchant l'aide des forces de différentes origines, différentes nations, parmi qui sont composées de musulmans et de non-musulmans, pour défendre les pays, les terres et les lieux sacrés des musulmans contre ce qui est arrivé comme transgression de la part du président du pays de l'Irak. C'est une décision et une démarche qui est bonne et qui est permise selon la charia et qui a été une décision qui a été couronnée de succès. Il dit que l'Assemblée le comité, l'assemblée de la, du comité des grands savants, il dit, et moi j'en fais partie, je fais partie de ce comité-là, ont fait une déclaration pour supporter ce que le gouvernement saoudien a pris comme décision par rapport à ça, et a mentionné que le gouvernement a eu raison, et ils ont pris une décision qui était correcte dans ce qu'elle a fait, hein, en agissant selon le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions » verset 71 dans sourate An-Nisa, et le verset 60 dans sourate Al-Anfal, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Et il n'y a pas de doute que le fait de prendre l'aide d'autres que des musulmans dans la défense des musulmans et la défense de leur pays pour protéger les musulmans contre leurs ennemis est une chose qui est permise selon la charia, même que c'est une obligation, hein, certaine lors de la nécessité, hein, lorsque cette chose-là devient une nécessité. لما في ذلك من إعانة للمسلمين. À cause de ce qu'il y a en cela, dans, à cause de ce qu'il y a en ça, dans, dans cette, à cause de ce que ça comprend comme aide pour les musulmans et protection contre les ruses des ennemis et le fait de repousser la transgression qui est faite contre eux. Donc, c'est-à-dire que ce soit une transgression qui arrive réellement ou qu'on craint, c'est-à-dire qui peut se produire. Et il mentionne plus loin que par la suite que Khuza'a, les musulmans de la tribu de Khuza'a, de même que les kuffars aussi de la tribu de Khuza'a, yani étaient dans. Il faisait partie de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de la conquête de la Mecque contre les kuffars de Mecca. Donc ça c'est la fin de la citation. Puis il y a une dernière parole ici que Cheikh Ibn Baz a mentionné, c'est le, dans le volume 6 à la page 186 de Majmu' Fatawa wa Maqalat de Cheikh Ibn Baz. Il dit wa kanat Khuza'a muslimuha wa kafiruha مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة وبمساعدة من بمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit رحمه الله dans le, il mentionne مجموع فتاوى ومقالات le volume 6 à la page 186. Il dit que Khuza'a, les musulmans et les kuffars de Khuza'a, ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans le combat contre les kuffars de Quraysh le jour de la victoire, le jour de la conquête. Et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que la défense des musulmans et la défense des pays musulmans, c'est permis que ce soit fait par une force musulmane et avec l'aide des chrétiens ou d'autres que des chrétiens par les armes ou par les, une armée, ou par l'armée qui aide les musulmans contre la transgression, hein, pour repousser la transgression ou stopper la transgression qui leur est faite, et pour protéger leur pays contre le mal de ses ennemis, hein, ou de, des ennemis des musulmans et des ruses des musulmans. Des ruses contre les ennemis des musulmans et les ruses qui sont faites contre les musulmans. Il y en a de la part des ennemis des musulmans. Donc, c'est permis, comme on voit ici, dans ce qui est mentionné, le Cheikh Ben Baz, il dit que c'est permis pour les musulmans de demander l'aide des mouchriquins et des koufars, des juifs et des chrétiens ou autres pour se protéger contre un ennemi qui veut transgresser. Et quand on parle par exemple de l'Irak à l'époque, eh bien, il ne faut pas voir ça comme certains s'imaginent aujourd'hui, hein, quand ils disent « Ah, mais ils ont attaqué l'Irak » ou bien l'Arabie Saoudite a demandé l'aide des Américains pour combattre l'Irak, qui est un pays musulman. Hein, c'est ça ce qu'ils s'imaginent. Alors que la réalité, c'est que l'Irak, à l'époque, est un pays mécréant. Et c'est que l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman, demande l'aide des Américains pour combattre un autre pays mécréant. Donc, c'est des mécréants qui vont combattre des mécréants. Et pourquoi on dit des mécréants? C'est pas que le peuple irakien est mécréant. Le peuple irakien sont des musulmans. Sauf que le gouvernement de Saddam Hussein est un gouvernement socialiste communiste. Et il est le chef d'un parti socialiste communiste qui est kafir. Hein? Donc, son armée et lui, donc, le gouvernement est un pays ou un gouvernement qui est non musulman. À l'époque, c'est ça que Cheikh Ibn Baz et beaucoup d'autres ulama l'ont clarifié et expliqué clairement dans leur fatwa et dans leur clarification. Donc ça, c'est déjà un point très important à prendre en considération, que quand des koufars américains, par exemple, attaquent l'Irak, ils n'attaquent pas l'islam ou les musulmans, mais ils attaquent un autre gouvernement kafir comme les Américains, hein, même peut-être pire encore. Donc ça c'est un point très très important en passant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on commencera l'explication de la preuve numéro 2 et 3. Je ne sais pas si on aura le temps de lire la preuve numéro 4. On verra peut-être aussi la preuve numéro 4. Hein? Donc on va avancer petit à petit, Inch'Allah, calmement et avec tout le temps qu'il faut pour vraiment prendre le temps de bien comprendre ces sujets-là et ces questions-là, parce que c'est devenu un sujet qui crée beaucoup de confusion chez les gens. Et les gens de Bid'a, les Khawarij, les Takfirin, les Hizbiyin, de façon générale, les Ikhwan, ils jouent avec ce genre de questions-là pour essayer d'éloigner les jeunes des ulama et les amener à s'opposer à la vérité dans ces questions-là. Donc, eux, ils ne traitent pas des questions selon les preuves du Coran et de la Sunna, mais ils traitent de ces questions-là avec les émotions et les passions. Et donc, c'est important de ramener les preuves et les clarifications à ce sujet. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.